je te connais par cœur. Je t'aperçois quand tu marches dans la rue, même près de toi. Alors là, je n'ose plus. Demain, demain, si seulement tu voulais, nous irions tous les deux boire un café au lait. Dis-moi, dis-moi, ne préférerais-tu pas que je prenne avec toi une glace au chocolat? Hey Manhattan, sur ton t-shirt en impression. Hey Manhattan, tu veux jouer les garçons. Je passerai par là.